Donc je suis Pierre Judet, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à Grenoble 2 et je suis membre du LARA, donc le laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, et je travaille sur les mondes ouvriers, l'industrie et les territoires industriels. Et puis là il se trouve que mathématiques croisent un petit peu celle d'aujourd'hui. Alors, je suis parti de... On était ensemble dans un colloque avec Marie-Christine la semaine dernière, et deux interventions ont souligné des choses assez différentes. Celle de Francis Pierre, qui montrait dans les Vosges du Sud, une formation sociale, une exploitation des mines, un petit peu à part de la société, en altitude, avec une déforestation quand même assez limitée et sous emprise de la haute aristocratie. Alors qu'au contraire, Jean Cantelobe, qui travaille sur Rancier, donc les Pyrénées, la fameuse mine des paysans ou la mine aux mineurs, au contraire, là, montrait une situation de déforestation extrêmement importante. Alors ça me pousse à poser deux questions. Les mineurs sont-ils à part? Et est-ce qu'il y a des rapports entre cette situation sociale et puis l'exploitation des ressources naturelles? Et je vais essayer, à partir d'un cas, de montrer qu'il y a, je crois, effectivement, des rapports, mais c'est un travail qui est mené essentiellement dans une perspective sociale. Donc il s'agit de mines de fer qui se trouvent en Savoie, donc à l'entrée de la Maurienne, dans la petite commune de Saint-Georges-d'Urtière, un minerai qui est extrêmement riche et qui est exploité depuis très longtemps et qui permet la fabrication de fonte dans trois hauts fourneaux au bois dans la vallée. Au milieu du 19e siècle, ça fait travailler à peu près 300 mineurs et 300 personnes, des charbonniers, des muletiers, des convoyeurs. Donc ça fait quand même du monde, sachant que Saint-Georges-d'Urtière, c'est au maximum 1500 habitants. Et en sachant qu'évidemment on dit 300 mineurs, mais de fait c'est sans doute beaucoup plus parce que c'est des populations pluriactives. Et j'ai travaillé à partir d'un fonds très riche, le fonds du principal exploitant de cette mine qui s'appelle Grange, donc le fonds Grange. Et cet exploitant, non seulement il travaille donc sur les mines, mais il possède un haut fourneau, le haut fourneau de Randan, dans la vallée en Maurienne. Et j'ai travaillé également avec un autre fonds qui permet de croiser, le fonds de l'ingénieur des mines en chef des États sardes qui s'appelle Joseph d'Épine. Ça nous donne le point de vue de l'État. Et enfin, j'ai travaillé avec ce que j'ai pu trouver des sources classiques de l'histoire sociale, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, pour avoir au contraire là un éclairage à partir de la population laborieuse. Alors je voudrais d'abord mesurer un petit peu les enjeux qu'il y a à l'exploitation de ce minerai de fer, et en particulier pour la fabrication de la fonte. Ensuite, montrer que la formation sociale a adapté l'environnement général et en particulier les ressources forestières, et pour terminer par la mise au jour d'un système de domination que j'ai appelé le système Grange, puisque Grange est le propriétaire et quelqu'un qui nous a laissé des archives. Donc effectivement, c'est sur ce personnage que je vais me focaliser. Alors d'abord, quels enjeux? Ben, le premier enjeu, c'est la fabrication de la fonte, parce que à la fois la Révolution française a stimulé cette production pour des raisons de défense nationale, et puis en même temps la Révolution industrielle a développé les besoins, enfin la Révolution économique a développé les besoins en produits métalliques. Et par conséquent, la fonte permet de faire des profits tout à fait importants. Mais elle se produit au travers d'une véritable chaîne de production, d'une véritable d'un véritable nébuleuse industrielle, proto-industrielle. Vous avez ici donc l'ensemble dont je parle. Vous avez Randan en particulier, mais Marc, vous devez rien voir. Enfin, à situer à peu près, donc l'entrée de la Maurienne sur la vallée de l'Isère. Et cette fonte, eh bien, elle circule. Elle va alimenter des aciéries jusqu'à Cran, Annecy. Elle va en alimenter également plus au sud, dans le Valjelon. Et il y a également un gisement jumeau à Alvar, hein, c'est la même structure, qui alimente aussi le travail des cloutiers de la région de la Mure et le travail des cloutiers de la région des Bauges. Donc on est dans quelque chose de très très large, on est dans un territoire industriel en forme de nébuleuse qui a des densités assez variables. C'est une nébuleuse qui est flexible, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui marchent à des moments, d'autres qui s'arrêtent, mais par contre le cœur là, que je vous présente, lui il marche tout le temps. Et chaque ensemble, chaque sous-ensemble, que ce soit les Bauges, que ce soit la région de Cran-Annecy, est constitué par de véritables mondes pluriactifs, des nébuleuses locales de pluriactivité, donc des mondes de paysans mineurs, paysans ouvriers, paysans forgerons, extrêmement flexibles. Il n'est pas évident de mettre sur pied cette production de fonte. De nombreux essais ont été tentés à partir du démantèlement des institutions monastiques, en particulier des Chartreux. Il y a toute une série d'établissements dans les Alpes du Nord. Et en général, ça a été des échecs à Fourvoirie, donc près de la Grande Chartreuse en Isère, à Tamier en Haute-Savoie, à Bellevaux dans les Bauges, à la Chartreuse de Saint-Hugon, ça a encore relativement marché donc en Savoie. Mais en gros, il y a de grosses difficultés parce qu'il faut réunir à la fois le minerai, les forêts, bon, puis les installations. Et le haut fourneau, donc pour qu'il marche, il faut qu'il y ait un véritable ancrage territorial. Les installations, des tas de bâtiments de travail, et puis il faut disposer d'une main-d'œuvre. Et c'est pas évident de trouver de la main-d'œuvre, surtout quand c'est une main-d'œuvre qui doit être nombreuse et qui a des tâches très variées à effectuer. C'est pas évident non plus de contrôler un domaine forestier. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi, et Grange est un de ceux qui ont réussi. Derrière cet enjeu, il y en a un autre, qui est moins apparent, c'est la terre. C'est la terre parce que ces gens-là, qu'ils soient gros ou petits, eh bien ils cherchent à acquérir de la terre. Grange, qui est maître de forge, est d'abord et avant tout un propriétaire foncier. Sa fortune en 1861 sur le canton d'Aiguebelle, qui correspond avec la basse Maurienne que je vous ai montrée, elle est de 400 000 francs, et sur ces 400 000 francs, les trois quarts sont des avoirs immobiliers. C'est-à-dire que les installations industrielles, ça représente le quart au maximum. C'est vraiment pas beaucoup, mais ça rapporte pas mal, parce que ça rapporte par an, d'après une estimation de 1854, donc c'est à peu près concomitant, ça rapporte 40 000 francs par an. Donc c'est quand même assez intéressant. Néanmoins, l'ancrage du propriétaire est terrien. La main-d'œuvre aussi, son ancrage est terrien. La commune de Saint-Georges, c'est le règne de la micropropriété. On a 37% de propriétaires de moins de 1,5 hectare. Et on est en montagne. Donc effectivement, ça fait de la micropropriété, et en même temps la population elle augmente, parce qu'on est à 1100 habitants en 1810 et on passe en 1850 à 1500 habitants. Donc le système est quand même efficace, ça marche. Et si ce système est efficace, c'est non seulement parce qu'il y a une combinaison entre les activités agricoles et les activités industrielles et en particulier minières. Mais ça va plus loin que cela. C'est-à-dire que je crois qu'il faut sortir de l'idée de la complémentarité saisonnière absolue. Parce que si on regarde dans le détail comment ça marche, eh bien, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi largement l'été. Et en particulier quand la demande est forte. C'est-à-dire qu'il y a toute une population qui est un véritable prolétariat rural, qui a une accroche au sol, mais une accroche qui est presque symbolique. Alors pourquoi cette accroche et pourquoi cette possibilité de vivre ? Bien parce que les communaux sont extrêmement importants. Ils peuvent représenter plus de 50% de la surface. Quelquefois 60-70% suivant les communes. Et le fait d'être propriétaire de pas grand-chose, ça permet d'être considéré comme faisant feu. C'est-à-dire d'avoir le droit d'accès aux communes. Si on additionne de petits revenus agricoles et d'élevage même très réduit, l'accès aux communaux et des possibilités de travailler, ben on comprend que cette population, eh bien, elle se développe. Ça veut dire que une métallurgie au bois continue à se développer au XIXe siècle, et ça marche jusque dans les années 1865-70, c'est-à-dire que c'est quand même assez tard, assez tardif. Donc une main-d'œuvre qui n'est pas exactement une main-d'œuvre de paysans ouvriers ou paysans mineurs, mais une partie de cette main-d'œuvre est largement des mineurs paysans, plutôt à l'inverse, qui change un petit peu l'image que l'on peut avoir des campagnes. Néanmoins, ces gens-là, quand on arrive à les retrouver sur les sources nominatives, ce qui n'est pas toujours facile parce que les listes nominatives de Maurienne ont brûlé, on ne les a pas. Alors il faut prendre les autres sources. Ils se déclarent exceptionnellement mineurs. Alors qu'on sait qu'ils sont mineurs, on a les registres de granges et on peut voir qu'ils sont mineurs. Ben, ils se déclarent comme agriculteurs, comme cultivateurs ou mieux, propriétaires. Même s'ils sont propriétaires de pas grand-chose. C'est significatif de l'ancrage. Alors, du coup, ça nous donne un environnement qui est extrêmement travaillé. Cet environnement, c'est celui d'une mine de montagne. Alors ça, c'est une diapositive qui n'est pas de moi, mais que j'ai pris au colloque où on était à un collègue géologue. Il y en aura une autre prise à un spéléologue. Il y a toute une série de renseignements que je n'utilise pas, mais je voulais simplement vous montrer l'altitude. C'est une mine qui va en gros de 1000 à 1400 mètres, donc on est quand même en dessus de la vallée étant vers 300 mètres d'altitude. Cette mine montagnarde, elle est une véritable montagne perforée, un véritable gruyère. Alors ça, c'est le relevé fait par un spéléologue qui a fait un gros travail de relevé. Alors évidemment, il n'y a pas de date, hein, c'est tout confondu, mais on voit quand même l'importance du travail qui a été fait là-dedans. Alors évidemment, ça paraît pas rationnel, et les ingénieurs des mines poussent des hauts cris quand ils voient ce chantier. Or, ce chantier, c'est quand même une des principales mines des États sardes et des Alpes. Ça fournit un minerai de fer de grande qualité qui est apprécié depuis le Moyen Âge. Alors, la légende dit que Durandal a été faite avec ce minerai. Et malgré son importance, ou peut-être à cause de son importance, la loi n'est pas appliquée là. La loi 1810, qui prévoit d'attribuer des concessions à un concessionnaire unique, elle n'est pas appliquée. Il y a plusieurs exploitants. Les Sardes reprennent la loi, à peu près la même loi en 1846, même chose. L'État essaie d'imposer sa législation, mais ça n'est pas possible. Et finalement, quasiment jusqu'au bout, la loi ne sera pas appliquée. Et paradoxalement, Grange est avocat. Il est avocat, il connaît parfaitement la loi, il y a des procès à n'en plus finir, c'est d'ailleurs ce qui permet l'existence largement de ce fonds Grange. Et tout se règle dans ce monde-là, et plus largement Savoie et toute une partie des Alpes occidentales, tout se règle à coup de procès. Les personnages importants dans cette société-là, au niveau le plus inférieur, enfin la basse hiérarchie, si vous voulez, c'est les avocats, c'est les notaires. Donc la loi est là en permanence, il n'empêche qu'on n'applique pas la loi. Et c'est effectivement une mine qui apparaît comme une mine paysanne, d'une certaine façon, même si ceux qui exploitent, en fait, le travail ne sont pas des paysans, loin de là. Quand de Saussure visite la mine, il nous décrit ces paysans qui ne mettent aucun art dans leur travail, ils vont en avant sans boussole, sans aucun instrument de géométrie, suivant les filons quand ils les tiennent. De Saussure est plein de l'idéal physiocratique, et il nous dit « tous les paysans s'en mêlent, négligent la culture de leur terre, et sont en dernier résultat presque tous misérables. Les seuls qui se tirent d'affaire sont ceux qui ont la sagesse de cultiver leur terre en été, et de ne travailler à la mine que pendant les mortes saisons. » Donc effectivement, il y a un système normatif qui est en place, qui ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Un des proches de Cavour qui est intéressé par la question, parce qu'on n'arrive pas à régler la question du point de vue de la loi, en 1854, il écrit, il parle du nombre considérable d'exploitants, avec ou sans titre, qui pénètrent et perforent la montagne en tous sens, comme des vers dans un fromage. Comparaison avec les animaux, les mineurs sont un petit peu, pour ces élites, des animaux. Et pourtant, le système fonctionne comme ça jusqu'à la reprise des mines par Schneider en 1875. Ça n'empêche pas Grange de livrer ses fontes, non seulement en Savoie, mais de plus en plus en Isère, et en particulier aux aciéries de Rives qui ont été à un moment donné les premières aciéries de France, et ensuite, alors pas des quantités extraordinaires, mais quand même je crois que c'est significatif, jusqu'à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'il va livrer des fontes à Holster, qui est quand même un aciériste réputé, un métallurgiste réputé à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on a coexistence de systèmes qu'on pourrait voir comme des systèmes archaïques avec la modernité la plus grande, puisque Saint-Étienne c'est quand même la pointe avancée des techniques anglaises en principe dans le domaine de la métallurgie. Alors pour cela, Grange a une main d'œuvre. Je ne sais pas ce que vous voyez. Enfin, j'ai délimité les aires de provenance des charbonniers ici, donc sur toute la Basse-Maurienne, ici des mineurs. Donc on voit effectivement que ce sont des gens qui sont extrêmement enracinés, et la flèche courbe ici représente les migrations des quelques circulaires, hein, souvent des spécialistes peu nombreux, fondeurs, il n'y a pas besoin de beaucoup de fondeurs, ils font le tour de tous les hauts fourneaux, je n'ai représenté que celui qui m'intéresse, mais il y en a toute une série, en Basse-Maurienne et puis du côté d'Alvar, et c'est des gens qui se promènent, ces spécialistes se promènent. Également, les migrants, ce sont des charbonniers bergamasques, très peu nombreux, mais très efficaces, qui viennent éventuellement travailler l'été si on le leur demande. Ce sont des mineurs de la mine d'argent de Pesé qui va pas bien. Et puis l'Italie aussi, il y a des problèmes. Donc on a une population qui est majoritairement une population du coin et qui fait ça régulièrement de génération en génération. Ce qui pose la question donc de de l'utilisation du bois, du rapport au bois, parce que cette sidérurgie, elle consomme beaucoup de bois. Il faut griller le minerai, on l'a vu hein, tout à l'heure dans les rengraines, pour le rendre plus cassable, pour une première épuration. Et voici, alors ça c'est encore une photo actuelle, hein. Enfin ça donne quand même un petit peu le site. Vous avez Saint-Georges d'Urtière, donc qui figure. En bas dans la vallée, vous avez Argentine où il y a un haut fourneau. Randan n'est pas figuré, mais c'est à côté. Et puis de l'autre côté, vous voyez que l'autre versant est plus haut, c'est Lubac, alors qu'au contraire du côté de Saint-Georges, on est à Ladre. Du côté des communes du Bac qui fournissent du bois, puisque je vous ai montré l'air de provenance des charbonniers, on a en altitude de la Haute Futaie, du sapin, un peu plus bas du taillis, hêtre, chêne, châtaignier, coudrier, et ces châtaigniers sont particulièrement intéressants, parce que ils fournissent à la fois des châtaignes et du charbon de bois. Et en même temps, ils se prêtent merveilleusement au taillis. C'est-à-dire qu'on sait bien que le châtaignier, on peut couper sa repousse, et ça repousse bien. Qu'est-ce qu'on en fait de ce bois? Alors, il y a la fouage pour les habitants, qui peut être utilisé en partie pour charbonner. Il y a quelques propriétés privées, mais c'est quand même largement des terres communales. Et puis il y a des ventes aussi, des ventes à l'extérieur de bois d'œuvre. Et ça permet finalement à ces gens de ne pas payer grand-chose dans le collectif. Par exemple, quand l'État sarde demande de reconstruire les églises, bon, on va taper dans les forêts. Ou de participer au travail des routes, bien pareil. Donc effectivement, c'est tout un monde qui a organisé cette forêt en fonction de ses intérêts. Dans les communes d'Adret, on est plus bas, hein, et le bois ne se présente pas du tout de la même façon, dans la mesure où les cultures sont plus importantes. En bas, on a quand même de la vigne. Le bois, c'est essentiellement du taillis, avec énormément de châtaigniers. Je crois que c'est intéressant de constater que les propriétaires de 1 hectare, 1,5 hectare, donc c'est pas les plus pauvres, ils ont une parcelle en châtaignier et une parcelle en vigne à côté de quelques pâturages et de labour. Alors, est-ce que l'on a concurrence des consommations? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que l'exploitation est relativement équilibrée dans la mesure où la mine s'insère dans un véritable système, un système pluriactif. Et on sait que les communautés montagnardes sont particulièrement aptes à saisir des opportunités. Eh bien, la mine, c'est à un moment donné une opportunité, d'autant plus que la demande en fonte est particulièrement importante. Grange maîtrise une partie des approvisionnements. Il possède environ 300 hectares de bois. Il prend des adjudications et on voit qu'il les a à très bon prix. Il faut dire qu'il tient. Il tient la commune de Randan, il tient le canton d'Aiguebelle et il sera élu député quand les États sardes lanceront des élections. Et il achète du charbon de bois à des particuliers. Alors par rapport à ça, l'État, comment est-ce qu'il se positionne? Eh bien, l'ingénieur des mines d'Épines s'occupe lui-même des forêts. Il a réalisé une enquête très précise sur les forêts de Savoie, en réalisant non seulement un chiffrage, mais ce qui m'intéresse plus, des fiches par commune. C'est-à-dire que l'on a une description tout à fait précise, et d'après cette description, on voit bien le souci. L'État ne se conforme pas à l'idée dominante qui est d'accuser la métallurgie, le discours anti-industrialiste qu'on trouve assez régulièrement. Non, Despine explique que c'est plutôt les pâturages. Bon, il faut dire que souvent, nos mineurs, ils font les deux. Ils envoient les bêtes pâturer dans la forêt et puis en même temps, ils sont mineurs. Mais l'État doit à la fois faire attention à la ressource, mais en même temps favoriser le développement de la métallurgie. Il y a un jeu qui est un petit peu difficile. Néanmoins, si la politique de l'État sarde représentée par Despine est assez claire et nuancée, ce n'est pas le cas de la France. Quand la Savoie est annexée en 1860, le discours de l'administration française, il n'a absolument aucune nuance, un discours absolument catastrophiste. Les forêts sont dans un état épouvantable, et c'est à cause, en gros, de la mauvaise gestion précédente, c'est-à-dire que ça correspond avec cette volonté de l'administration française de présenter la Savoie comme un état arriéré. Heureusement que l'annexion a eu lieu. Or, si l'on prend les fiches communales de Despine qui ont été réalisées au milieu des années 1820, c'est-à-dire quand même dans un moment où la demande en bois, elle est considérée comme extrêmement forte, on n'a pas du tout l'impression de la dévastation. C'est difficile évidemment à prouver. Un travail de maîtrise assez précis avait été fait sur quelques parcelles, parcelles du bas, du milieu et du haut, et les conclusions du travail c'était que le recul était au maximum de 10% entre 1738 et 1810, alors que quand on regarde les écrits classiques, ordinaires, en particulier ceux de l'administration française, on n'a pas du tout l'impression de cela. C'est pour ça que je crois qu'on pourrait reprendre l'expression qui avait été lancée par Denis Voronoff, reprise par Sandrine Paradis-Grenouillet, de forêt métallurgique, même si il faut sans doute nuancer le propos, dans la mesure où je crois qu'il faut prendre la formation sociale dans son ensemble, et envisager les usages de la forêt dans leur intégralité, c'est-à-dire que nous avons affaire à des communautés qui ont un certain rapport à ces ressources. Alors maintenant, comment est-ce que le système tient? Quels sont les rapports sociaux là-dedans? Eh bien, je crois que ce qui fait marcher le système, c'est la dette. C'est-à-dire que notre ami Grange, il paie ses mineurs, il paie ses charbonniers, oui, mais enfin, il leur avance beaucoup de nourriture. Il est grand propriétaire, il a du maïs, et puis quand il y aura percement du tunnel, il fera venir du maïs moins cher d'Italie. Il les nourrit, il leur fournit du vin, il fournit des fromages, et puis au bout du compte, eh bien, on s'aperçoit que sa main-d'œuvre est largement endettée. Il prête de l'argent, et Grange, qui est avocat, fait signer des contrats. Et ces gens-là sont tenus. Et on voit dans les bilans réguliers de fortune, eh bien, on voit que certaines dettes se reconduisent sur des décennies et des décennies, c'est-à-dire qu'en 1860, on peut trouver des dettes qui datent du moment de la Révolution. C'est-à-dire que on est dans un véritable système. La dette, c'est aussi une façon de tenir son monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde est endetté jusqu'au cou, mais il y a une partie de la population qui l'est, en tout cas c'est une menace, et il peut y avoir, c'est assez rare, c'est significatif de la relation qui s'est établie, il peut y avoir saisie, c'est-à-dire que Grange peut augmenter encore sa puissance terrienne, qui est, je crois, la base du système. Ces contrats, ils sont extrêmement précis et adaptés. Par exemple, pour les voituriers, les fournisseurs de bois, les charbonniers à façon, ils passent des promesses de vente, des conventions. C'est à la fois stéréotypé du point de vue juridique, mais en même temps, il y a des obligations de répondre aux besoins de Grange. Il y a un engagement. Parce que le risque, effectivement, c'est que les gens aient fait autre chose. Comme c'est des plus réactifs qui vont un peu... qui saisissent toutes les occasions, ils ne peuvent pas. Ils sont tenus. Et le plus beau que j'ai trouvé comme contrat, c'est un contrat avec un muletier où on a véritablement un contrat de location-vente de mulet avec obligation de se tenir prêt quand Grange a besoin de descendre, de faire descendre du charbon de bois. Donc c'est un monde qui est criblé de dettes. La dette sert à fidéliser la main-d'œuvre. Le crédit est une relation structurante, mais le crédit est garanti par la propriété. D'où l'importance d'être même micro-propriétaire, d'être considéré comme faisant feu. D'où cette appétence pour le titre de propriétaire sur les sources nominatives, alors que le propriétaire est propriétaire d'un hectare, et encore. Ce système, il s'est mis en place à un moment donné. Il s'est mis en place au milieu du XVIIIe siècle, quand le besoin en fer s'est affirmé. Il y avait une compagnie qui s'appelait la compagnie Villa, qui exploitait surtout le cuivre. Bon, ça nécessite quand même moins d'installations et une territorialisation moins importante. Mais on a cherché du cuivre, on a fait des explorations, on s'est beaucoup endetté, et du coup, c'est en essayant de rembourser ses dettes, d'éteindre ses dettes, que la compagnie Villa s'est lancée dans l'exploitation du fer qui était laissé aux paysans jusqu'alors en grande partie. Et arrive la Révolution française et le régisseur Grange a mis la main sur le système qu'il construit. Il l'a construit, mais ce système n'est pas fixe. On le voit par l'évolution de ces ventes de fonte. Vous voyez que dans un premier temps, ce sont surtout des ventes à la Savoie. Il n'y a pas simplement l'intérêt géographique de la chose, mais c'est que les relations avec les aciéristes ou les forgerons savoyards ne sont pas de même type qu'avec les forgerons et aciéristes de l'Isère. Les savoyards sont tenus par Grange aussi, qui fait crédit donc à ses clients. C'est-à-dire que dans la chaîne de production, la valeur, elle est là, elle est au centre, elle est dans le couple minerai-forêt, donc dans la production de fonte. Très vite, le système, enfin très vite à l'échelle de la longue durée, le système bascule vers l'Isère, parce que les Savoyards ne se sont pas modernisés, alors qu'au contraire, les Isérois sont pris un petit peu dans l'orbite stéphanoise, et vous voyez qu'en 1867, ça a complètement basculé. Mais en fait, c'est pas l'annexion qui fait ça, vous voyez que déjà en 1847, avant l'annexion de la Savoie à la France, le système est déjà en place. Donc ça veut dire que le système se reconduit. C'est-à-dire qu'un système qui peut apparaître comme archaïque, à un moment donné, eh bien, il peut s'insérer et trouver sa place dans la modernité, dans la mesure où on maîtrise le système, les ressources. La fin du système arrive, parce qu'à un moment donné, il ne peut plus absorber les transformations, avec la conjonction entre l'arrivée du chemin de fer. Le chemin de fer est connecté à la nébuleuse métallurgique dans les années 1860, les traités de libre-échange et donc l'arrivée réelle des techniques anglaises. Et c'est à ce moment-là que Grange va céder ses droits. Enfin, d'abord, il va réussir à devenir enfin concessionnaire juste avant de céder ses droits à Schneider, qui va avoir un rapport à la ressource complètement différent. Alors voilà une carte postale du rapport de Schneider à la ressource, c'est pas du tout la même chose. Alors j'ai qu'une carte postale d'Alvar, il y avait la même chose à Saint-Georges et à Alvar, donc on voit bien qu'on passe dans un autre rapport à l'environnement, on installe des plans inclinés, un premier traitement en bas, c'est fini ce système des rangs-graines, c'est fini ce système des charbonniers, le minerai va partir par chemin de fer, donc dans le système Schneider, dans un espace qui évidemment n'est plus du tout le même. Donc là on est dans une deuxième grande configuration du point de vue du rapport à l'environnement. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui, bon je passe là-dessus, comme trace de ce passé? Mais il reste justement les traces, enfin c'est les plus visibles, il y en a évidemment d'autres, mais les plus spectaculaires, ben c'est ça, c'est ce plan incliné que Schneider a construit. Et ce plan incliné de Schneider, eh bien, c'est lui qui aujourd'hui peut être donné en spectacle dans la nouvelle transformation du rapport à l'environnement qui a lieu aujourd'hui avec la construction d'un musée, du musée de la mine, et qui va de pair avec l'organisation, enfin le projet de création d'un parc naturel de Belledonne, avec comme projet l'organisation patrimoniale d'une route du fer qui a donné lieu à un colloque auquel nous avons participé donc jeudi dernier, Marie-Christine et moi. Donc une troisième période, pour terminer, d'un rapport avec l'environnement. Simplement un mot pour clore sur le système social, je reviens un petit peu en arrière. Bien sûr, c'est grange, domine, exploite, etc. Mais il y a aussi une adhésion de ces mineurs paysans. En tout cas, d'une partie d'entre eux. En 1870, Grange est à l'initiative d'une pétition pour avoir l'appui de l'État, pour avoir la concession entière. Et une pétition est signée par des agriculteurs. Et ces agriculteurs, ils expliquent que l'exploitation de ces mines leur était particulièrement utile en ce que, d'une part, l'étendue du territoire cultivable est insuffisante à occuper la population pendant toute l'année, en ce que, d'autre part, cette exploitation lui permettait de travailler à l'intérieur dans la mauvaise saison, et que la terre était couverte de neige, et enfin parce que les fourneaux consumaient le bois provenant des propriétés particulières et laissaient entre les mains des habitants des sommes considérables accrues encore par la main-d'œuvre. C'est-à-dire que, à l'intérieur de ce monde pluriactif, je crois qu'on peut distinguer une couche de propriétaires pas gros, mais qui ont quand même réussi à asseoir leur domination et qui permettent de faire le lien dans la formation sociale. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde, même si c'est des miettes, réussit à adhérer au système. Et c'est significatif que ce soit des agriculteurs qui aient signé la pétition, alors que justement, ils se réclament du passé minier. Et d'ailleurs, parmi eux, parce qu'il y a leur nom, on retrouve des anciens employés de Grange. Voilà. Merci beaucoup pour cette communication qui répond parfaitement, je crois, à l'intitulé de la journée, hein, histoire environnementale, économique et sociale. On voit bien l'articulation effectivement entre ces trois dimensions. Donc, la parole est à la salle pour les questions. Ce Grange, donc, quel rapport est. Il y avait avec l'État, qu'est-ce qu'il reversait à l'État? Comment l'État bénéficiait de son système? Alors, j'ai pas étudié ces questions-là. Simplement, ce que je peux dire, c'est que l'État aimerait bien faire régner l'ordre, appliquer la loi, mais chaque fois que ça se produit, l'État recule. Et en particulier, l'argument qui est retenu, c'est il ne faut pas casser ce qui marche, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est derrière. Donc ce Grange, en fait, il bénéficie d'une niche, oui, non contrôlée. Et quelque part, ça fait penser à Zola, les mines de charbon du Nord, et ces gens-là qui sont complètement tenus par les patrons. Ouais. Ils sont tous là, logés, nourris, et toute leur paye est déjà fait depuis 6 mois. Enfin, c'est l'histoire là. Et où ces tyrans au complet, quoi, ont pris en main le système, et c'est des semi-esclaves. Encore que là, ils sont propriétaires terriens. Zola, ils n'y possèdent rien du tout. Ouais. Là, ils ont la terre. Bon, ouais, moi, je crois qu'il ne faut pas caricaturer parce que. Ils ont cette terre, mais ils sont quand même complètement tenus. Ah oui. En plus, par le système de la dette, leur amener des produits, etc., enfin, il les a saturés complètement. Ouais. Et lui, si en plus il se débrouille à se servir de ces gens pour, par rapport à l'État en faisant croire. Il fait signer une pétition. Il tient des deux côtés le système. Mais bien sûr. Donc bien en fait, sûr. Il s'est enrichi sur tout le monde, quoi. Des gens oui, du coin et oui, de l'État. Quelque part. Oui, mais en même temps. C'est quand même des niches un peu particulières. Hein. Est-ce qu'on avait ça comme système ouais. partout ou que là... Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que, je l'ai dit mais je le répète, les gens tirent des bénéfices de ça. C'est-à-dire ça conforte quand même la situation de petits propriétaires et d'aspirants au titre de propriétaire. Alors, deuxième chose, je crois que c'est plus généralisé qu'on ne le pense. J'ai travaillé précédemment sur la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, qui est aujourd'hui le premier centre mondial du décolletage. Donc c'est pas rien. Eh bien, ça marche, en gros, pareil, à la même époque. C'est-à-dire que la dette est un véritable moyen de développement. On n'a pas de fric. On n'a pas de fric, mais on a des relations. On a des relations qui sont fondées sur l'enracinement dans la terre, le fait d'être membre d'une collectivité reconnue. Et c'est le titre de propriétaire ou de faisant feu qui fait marcher le système. Mais effectivement, qui est-ce qui en profite ? Il y a une minorité qui tire le truc. Ah oui, une petite minorité. Mais en même temps, je crois que dans l'histoire longue de la montagne, ça fait penser aux travaux de Laurence Fontaine sur les colporteurs. C'est la même chose. Ça marche pareil. Sauf qu'à un moment donné, on a eu un cycle de colportage. Là, on a un cycle minier qui a plus ou moins existé dans le passé, mais qui prend quand même, à partir de 1750 à peu près, et jusque vers 1870, une ampleur très très grande. De ce point de vue-là, je ne veux pas du tout apparaître comme replié sur la montagne, même si je viens de Savoie. Je crois que c'est aussi un exemple qui, du point de vue méthodologique, peut être intéressant, parce que c'est un prisme déformant aussi bien pour l'étude sociale que pour l'étude de l'environnement, et l'environnement social en particulier. Pierre. Qui paye le musée et quel calendrier ah ouais. Vous êtes le rond-bouet. Ah ouais, ouais. Bah c'est une figure qui est là. Bon, c'est en rapport avec les roches cristallines. Hein. Je suis bien incapable de défendre. Des cristaux, ah, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, le musée, c'est un peu pharaonique dans une commune qui compte à peu près aujourd'hui 200 habitants, bon, qui en a compté 1500 à l'époque où je parlais. La mairie a porté de façon extrêmement volontariste, appuyée sur une association, a porté pendant une vingtaine d'années maintenant. Hein. Ouais. Et là on arrive, là ça s'épuise, et on arrive à une autre période d'où la volonté d'insérer ce musée dans une route du fer de la Belle Donne qui pourrait trouver sa place dans le parc national, le parc régional, le projet de parc régional de Belle Donne. Donc effectivement, c'est encore une façon de, encore un nouveau rapport à l'environnement qui se prépare, hein. C'est-à-dire que les vestiges de la mine trouveraient leur place dans un espace de nature protégée. Donc là, ce joli chalet a été payé par la petite commune. Oui. Pas uniquement, il y a un projet d'intérêt. Oui. On a travaillé avec la communauté Piémont. J'étais du projet de départ. D'accord. Donc, je connais un peu les rouages. On a travaillé beaucoup avec le Piémont. Et, parce qu'il y a des mineurs italiens qui viennent du Val de l'Aisse. Donc, effectivement, il y a eu des contacts historiques. Et on a travaillé dans le cadre d'un programme Interreg, Interreg 2 et Interreg 3. Les deux programmes, je crois, c'est ça. Ah ben, c'est le Médoc. Et pour créer ça. Après, c'est le coût du fonctionnement. Ah oui. créer et on peut toujours créer. On a un bilan des visites payantes. Oui, on fait chaque année. Mais Alain Bouvier, le maire de Saint-Jean-sur-Thiers, se plaint que le conseil scientifique peut soutenir. D'où l'urgence de la liaison. Mais là, les structures sont en train de changer complètement. On dira que le développement des mines, quand elles s'arrêtent, souvent les gens, du moins dans des époques plus récentes, vivent ça comme un désastre. Enfin, ceux qui en vivaient, la fin de quelque chose, soit on l'a mal géré, soit il n'y a plus la ressource. Et finalement, l'avenir de ces paysages, c'est de finir, de devenir des musées et de se coller à la nature, parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a personne autour. Et donc, alors que ce sont des endroits souvent qui ont pollué ou qui laissent des choses plus ou moins disgracieuses par rapport à une nature vierge, en fait, il faut absolument que ça cohabite. Et partout, il y a des projets d'insertion là-dedans. Sauf que souvent, le problème, c'est qu'en local, si c'est récent, la fermeture des mines, on a ça en Mali. Oui, là, c'est pas le cas. Et une espèce de honte de ça, et les gens ne croient pas du tout qu'on peut valoriser ça. Là, c'est pas le cas. Là, c'est plus insupportable. C'est pas le cas. C'est digéré. Bon, mais c'est des mines de fer quand même. C'est pas la même chose que du charbon. Et moi, je voudrais revenir sur la question des forêts. Oui. Vous avez dit qu'il y avait des communaux qui étaient importants. Oui. Alors justement, ces forêts forme de communaux, elles sont exploitées aussi pour la mine. Quel est le rapport justement entre la propriété privée et les communaux? Il y a des adjudications qui sont passées. Et Grange est un grand adjudicataire. Et il envoie des brigades de charbonniers menés souvent par un bergamasque ou deux bergamasques qui sont extrêmement efficaces et qui sont liés eux aussi par contrat. J'ai pas terminé là-dessus, mais je soupçonne qu'il y ait aussi une espèce de nébuleuse migrante, parce qu'on retrouve de temps en temps des vagabonds bergamasques qui cherchent du travail, qui ont entendu parler du fait qu'on pouvait embaucher. Il y a de véritables petits entrepreneurs là-dedans. C'est-à-dire que Grange, il fait travailler aussi des gens dont les relations s'étendent sur une aire géographique extrêmement vaste. On peut parler de véritable interconnexion des massifs de ce point de vue-là. Les bergamasques, les mineurs. Avec le four à la bergamasque qui est caractéristique de ces régions-là. Ouais. Et les rapports datent au moins du 16e siècle. 16e, oui. Avec l'arrivée des gens du Val de l'Aisne. Et l'arrivée de l'administration des eaux et forêts française, elle change quelque chose C'est-à-dire que le Grange va réussir à obtenir la concession à partir du moment où ça ne marche plus, quoi. C'est-à-dire qu'on se désintéresse. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Il y a trois grands exploitants, il réussit à mettre la main juste avant de donner ses droits à Schneider, qui lui a un projet qui est autre. Disons que le système, il a quasiment toujours marché dans l'illégalité et mené par un avocat. Ce potentat local, il n'avait pas du tout de concurrent à aucun moment de l'histoire de cette histoire. Si. Concurrent pour la même activité, si. Pour notre activité. Si. Alors, il a deux concurrents. Il y a Castagnieri, qui est un noble, qui n'exploite pas directement et qui affirme. Il y a la commune des Pierres, je ne suis pas trop rentré dans le détail, hein, l'autre commune de la vallée qui, en tant que communale, possède le haut fourneau et une bonne partie de la forêt est prévue pour alimenter le haut fourneau. Et ça, c'est affermé à divers producteurs qui essaient, mais ils ne réussissent pas très bien, à constituer ce qu'on pourrait appeler un combinat. C'est-à-dire qu'ils possèdent des forges quelque part, et ils essaient, par tous les moyens, de mettre la main sur du minerai et de la forêt. Mais c'est difficile, c'est Grange qui réussit. Il y a en particulier quelqu'un qui s'appelle Frère Jean, qu'on connaît dans le domaine de la métallurgie, des frères Jean qui viennent de Lyon, qui sont porteurs des techniques anglaises, qui sont allés en Angleterre, qui connaissent bien ces affaires-là, et qui vont, en se mettant au service de Chevron Villette, donc qui est un noble, qui possède des forêts plus au nord, alors il faudrait que je remonte. pour situer tout ça sur le plan géographique. Chevron-Villette possède des domaines très importants ici où on a aussi des hauts fourneaux, et c'est dans la mise en place de ce haut fourneau, le grand haut fourneau de Gier par Chevron-Villette, que frère Jean arrive, parce que Chevron-Villette il n'y comprend rien. Et frère Jean met en place un haut fourneau au bois, mais surtout il rachète une petite forge à Cran. Il y a 3 employés, hein, c'est pas grand chose. Cran, Gevrier, d'Annecy, hein. Les forges de Cran. Bien sûr. Mais bien sûr, et Tefal ensuite. Hein, la filiation, elle est là. Frère Jean, qui n'a pas énormément d'argent, il travaille pour Chevron-Villette, et puis petit à petit, il essaie de détourner la fonte de Gier chez lui à Cran. Il installe un four à puits de lait, etc. Donc assez tôt, je crois que c'est 1826, il installe les techniques anglaises, mais bon, ça va pas très loin, et il essaie de mettre la main sur une partie des mines de Saint-Georges et le haut fourneau d'Argentine, donc un des 3 hauts fourneaux de la vallée. Mais bon, il n'est pas dans une situation bien confortable, il n'a pas l'assise de Grange qui réussit à maîtriser sur un territoire qui est quand même relativement cohérent le minerai et la forêt. C'est plus difficile pour Grange et pour frère Jean. Pourtant frère Jean fait des tas d'essais, il essaie du bois étuvé dans son haut fourneau, enfin il fait plein de trucs. Frère Jean ne réussit pas à mettre la main sur ce territoire là en revanche frère Jean réussit à développer donc là les forges de Cran qui existent encore aujourd'hui et qui ont failli d'ailleurs disparaître avec l'arrivée du chemin de fer. Paradoxalement, c'est eux qui, fournissant un fer de bonne qualité, fournissaient le chemin de fer, les coussinets de chemin de fer en particulier, mais ça cause quasiment leur perte. Ils ne devront leur survie qu'à l'arrivée de l'aluminium. Ils se reconvertiront dans la fonderie de l'aluminium. D'où après l'installation de Tefal que frère Jean suscite pour avoir un client. C'est les retombées de cette nébuleuse de métallurgique. Donc la concurrence, elle ne réussit pas sur place. Et apparemment, ça ne donne pas lieu à une activité métallurgique pérenne sur place. Le lien avec l'aluminium, parce qu'il y a évidemment dans les années 1890-1900, installation de toute une série d'usines hydroélectriques, etc. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien organique. D'ailleurs, j'ai cherché les gens de Saint-Georges dans les usines, je ne les ai pas trouvés. Apparemment, au moins dans un premier temps, ils ne vont pas travailler dans les usines électro-métallurgiques. Ce n'est pas le même monde.